Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 86e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous abordons les répliques du dialogue que nous avons commencé à étudier dans le cours précédent et qui relate une discussion entre deux étudiants, Khalid et Mohamed. Commençons donc par observer les deux premières répliques dans lesquelles Khalid interroge Mohamed sur les prières que le musulman accomplit quotidiennement. كم صلاة في اليوم يا محمد؟ في اليوم خمس صلوات. La question de Khalid est composée de six termes que nous avons déjà rencontrés dans les dialogues précédents de ce manuel. كم, qui est un pronom interrogatif, qui correspond en français à l'adverbe combien. صلاة, qui désigne la prière rituelle accomplie par les musulmans. في, qui est une particule du cas indirect, qui correspond aux prépositions à ou dans. El-Yaoum, qui signifie jour, et qui dans le contexte de ce dialogue correspond à un jour du calendrier, c'est-à-dire à une période de 24 heures dans le calendrier solaire, ou la durée d'une nuit et d'une journée complète dans le calendrier lunaire. Dans d'autres contextes, le mot Yaoum peut aussi désigner, comme en français, la période de temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil. Ya, qui est une particule dont la fonction principale est d'attirer l'attention, d'interpeller, et qu'on appelle en arabe Harfun Nida. Et enfin, Mohammed, qui est le prénom de l'interlocuteur de Khalid. Comme nous l'avons vu précédemment, on utilise le pronom interrogatif Kam pour interroger sur la quantité. La construction Kam Salatan signifie donc combien de prières. Ensuite, l'ensemble Fil Yaomi signifie littéralement dans le jour, mais dans le contexte de cette question, on comprend que Khalid cherche à connaître le nombre des prières que le musulman doit accomplir chaque jour ou encore tous les jours. Enfin, la question termine par la particule Ya, suivie du prénom de l'interlocuteur, et qui signifie donc littéralement « Eh Mohammed ?» Cette construction avec la particule Ya est encore très fréquemment utilisée en arabe à l'oral, contrairement au français, où on aurait plutôt tendance à simplement interpeller l'interlocuteur par son prénom en début de phrase. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, les phrases en arabe littéraire n'ont pas besoin de verbes pour exprimer des états ou des situations. Dans ce type de phrase, on n'a donc pas besoin d'utiliser explicitement des équivalents aux verbes « être » et « avoir », et la construction « il y a » est dans la plupart des cas sous-entendue. La question de Khaled, « Kam salatan fil yaoumi ya Muhammad » signifie donc en français « Muhammad, combien y a-t-il de prières chaque jour ?» Observons maintenant la réponse de Mohamed, qui est composée de quatre termes, dont deux étaient déjà présents dans la question de Khalid. Fil yaoumi khamsu salawat. Comme dans la question qui précède, la construction fil yaoumi exprime la notion de répétition ou d'habitude, et son sens correspond donc en français à chaque jour. Khams, qui correspond au chiffre 5, et salawat, qui est le pluriel du nom salah, présent dans la question de Khalid. La réponse de Mohammed signifie donc en français « il y a cinq prières chaque jour » ou encore « il y a cinq prières par jour ». Voilà pour aujourd'hui, ce 86e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine avec le 87e mini-cours qui sera consacré aux questions de grammaire contenues dans ces deux répliques de Khalid et Mohammed. Wassalamu alaikum.